Wap koute radio a Kiskeya. Oui, c'est la fréquence 88.5 MHz FM Kiskeya à Port-au-Prince. Kiskeya. Plus choix. Plus choix. Programme varié. Bon qualité. Musique qui belle. Bonjour nouvelle. Kiskeya. C'est où? 88.5 FM. Jésus le divin enfant, aujourd'hui on est. Si nous faisons l'amour, va l'entrer. Oui, je tiens à nous purifier. Parce que quand car là, va passer chercher. Si tu veux tomber, pour Haïti délivrer. Jésus est vite la calibine fêtée. Noël, mon Dieu, Noël, regardez. Noël, oh, Noël, Noël, Noël, Noël, la calibine fêtée. Événement qui vivait. J'ai dû éviter toute petite qui vient fêter. Fais les salles raconter. Qui jolie tes fêtes qui s'en représenter. Tout ça gagne, fait nous partager. Qu'un petit mounio et d'ailleurs pour des messes si j'avais. Prier pour moi qui paraît mieux qu'on s'en sauver. Si nous ouvrons, qu'est-ce que nous avons marqué. Hey.